Alors, pour ceux dont c'est la première fois qui viennent entendre une conférence de Daniel Kemp, bienvenue. Daniel Kemp a à son actif déjà plus de 900 conférences. Déjà tout jeune, il rêvait de partir sur une île déserte. À 12 ans, il écrit sa biographie. Et plus tard, c'est vrai, c'est vrai. Et plus tard, il est l'auteur de 11 volumes. Ensuite, il écrit le programme Main Contrôleur, dans lequel il y a plusieurs techniques pour l'homme nouveau. Enfin, il rend le savoir supramental accessible à l'humain. Alors, pour en savoir plus long ce soir, si vous le voulez bien, accueillons Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. J'avais 18 ans quand j'ai écrit ma biographie. Ah! J'avais 12 ans, je n'avais pas grand chose. On a toujours dit que tu étais précoce. Alors, Daniel, ce soir, les entités de la nature. Bien longtemps, dans les années 70 environ, 1970, il y avait à Finland, dans Grande-Bretagne, un groupe de gens qui ont réussi à avoir un lopin de terre et à faire pousser avec l'identité de la nature. On les appelait les gnomes, on les appelait les farfadets, les elfes, etc. Ils ont fait pousser dans un sol qui était complètement aride, à côté d'une base militaire, des légumes, des fruits, des fleurs en toute saison, dans un endroit où le climat était vraiment pas propice à ça. Et c'était parce qu'ils faisaient une collaboration, ça a l'air qu'ils entretenaient d'une façon particulière les entités de la nature. Ça fait déjà plusieurs années de ça, mais ces gens-là, qu'est-ce qui leur a permis d'en arriver là? Alors, premièrement, c'est les entités de la nature, que eux, avec qui ils travaillaient, qu'est-ce que c'est les entités de la nature? C'est en Écosse. En Écosse. Le personnage qui était le chef de ce groupement avait eu, à un moment donné, une vision dans la nature. Il avait rencontré un personnage intéressant qui était plutôt... qui avait un corps de bélier assez grand, à la hauteur d'un cheval, un corps de bélier, avec une tête humaine, avec des bras, en forme de centaure bélier. Et ce personnage-là lui a expliqué qu'il était Belzébuth, qu'il détestait les humains, parce que les humains passaient leur temps à détruire la nature. Belzébuth, c'était qui, ça, là? Ah, ben là, ce serait autre chose. C'est Belzébuth, c'était un monstre. Mais là, toi, tu dis, il rencontrait un personnage, il l'a rencontré, pour le vrai, là. Un personnage, un bélier. Un bélier avec un corps d'homme. Mais quoi, il est en... Il a un corps d'homme avec les mains. Physiquement, il l'a vu physiquement? Oui. Ben, physiquement, il l'a vu physiquement. Suffisamment physiquement, en tout cas, pour pouvoir s'en rappeler. Et puis, le Belzébuth était suffisamment densifié. C'est le nom que le personnage s'était donné. Et ils ont discuté ensemble, et puis finalement, le mec en question a décidé de prouver à Belzébuth, à ce personnage-là, que l'homme, il y avait aussi des humains capables de travailler en collaboration avec la nature. Et une espèce de petit contrat, de petit défi de contrat. Alors, il a eu un lopin de plus ou moins de sable plutôt que de terre. Mm-hmm. Et plusieurs années après, le ministère là-bas, le gouvernement, s'est rendu compte qu'il s'était trompé. C'était pas ce lopin-là qu'il voulait lui donner. C'est donc qu'il voulait le reprendre. Mais une fois c'était que maintenant bien, un des, ouais, c'est ça, c'était un des plus fertiles de la région. Alors, ils ont travaillé en essayant de parler avec les plantes, de parler avec les arbres, de parler avec le sol, de parler finalement avec la terre, avec le soleil, etc. Et il a réussi à convaincre des gens à travers des conférences, des rencontres avec du monde, en invitant les gens sur ce lopin de terre. Et les gens étaient suffisamment spirituels pour arriver à croire à ce genre de stupidité. Et progressivement, eh bien, les gens parlant au sol, parlaient aux graines avant d'être les plantées, parlaient aux arbres, aux plantes avant d'être transplantées, les préparaient une semaine, deux semaines, trois semaines avant la transplantation. Et ce que ça a donné comme résultat, eh bien, deux, trois semaines après que le reste du territoire a perdu les fleurs, les arbres commencé à végéter un peu. Sur ce territoire-là, on avait des roses, on avait encore des plantes, malgré que normalement, il n'y en avait plus nulle part. Donc, les stupidités des gens portaient fruit. Là, tu dis, ils parlaient en plantant la graine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils parlaient, mais ça ne veut pas dire qu'ils voyaient quelque chose. Au départ, ils parlaient... Les entités de la nature, c'était quoi? C'est les plantes? C'est les graines qui... Ça, au départ, eux parlaient comme ça. Et puis, progressivement, ce qui est arrivé, c'est que lentement, ils ont commencé à voir des personnages autour des plantes, autour des arbres. Ils ont commencé lentement à voir de plus en plus dans les jardins, autour de leur maison, un peu partout sur le terrain, des entités de la nature, donc des phénomènes bizarres, des gnomes. Dépendamment des endroits sur la planète, ça porte différents noms. Alors, ils ont commencé à voir ce genre de phénomènes et ils se sont rendus compte que plusieurs de ces petits personnages semblaient s'occuper des plantes, s'occuper des animaux. Et plus tard, ils se sont rendus compte qu'à chaque plante, à chaque insecte, à chaque papillon, à chaque libellule, à chaque animal, il y avait une entité qui était attachée. Là, tu parles de petits personnages comme les gnomes, donc c'est humanoïde. Oui, c'est humanoïde. Je veux dire, ça a deux bras, deux jambes. C'est gnomoïde, mais... Ouais, ça a une tête, ça a des yeux, ça... Est-ce que c'est toujours des petits personnages comme ça? Ben, c'est toujours humanoïde, il faut s'entendre. Si on regarde un hobbit, c'est humanoïde, mais ça a des pieds gros comme la tête. Si on regarde les farfadets, c'est un peu différent. Bon, les lutins, c'est différent aussi, mais c'est toujours un peu humanoïde, ça ressemble toujours un peu. Il y a aussi des entités qui vont être les fées. Donc, ils vont suivre normalement les libellules, qui vont suivre les papillons, qui vont suivre... Ce sont des entités qui s'attachent à ces animaux-là. Et on a d'autres entités qui sont plus près de l'animalité, mais à peu près tout le temps, il y a un parallèle qui peut être fait entre l'animal, l'homme, souvent la fleur aussi. Là, ces gens-là, eux, ils ont vu ça, ces entités-là. Est-ce que c'est tout le monde qu'ils ont vu, mais c'est... Non, au départ, c'était uniquement le chef. Ce qui, évidemment... Ça, c'est le chef, c'est celui qui avait vu... Belzébuth. C'est ça. L'investigateur, finalement, de Fenorm, du terrain là-bas. Et lentement, progressivement, eh bien, certains de ses adeptes, certains de ses disciples ont commencé à en voir aussi. Et progressivement, il y a des gens qui allaient carrément prendre des marches avec des entités de la nature. Moi, j'ai déjà essayé ça, mais à Montebello. Sauf que je me fermais les yeux, je me disais, bon, ben, prenez-moi la main, puis dirigez-moi. Mais il t'amène toujours sur un arbre. Alors, et même quand c'est dans le chemin, il tire, c'est même tout. Ben bref, ils aiment s'amuser ou ben non arguer lui-même en tout cas. Alors je préfère marcher seul. Et puis ils en ont rencontré régulièrement, donc certains allaient prendre des marches, certains ont dit avoir eu des dialogues télépathiques avec ces animaux-là, ces entités-là. Ah, bon, télépathique, donc c'était. Et ça, et puis le père Belzébuth est venu deux, trois fois. Ils ont discuté, ils sont parlé, mais finalement, c'est ça. Alors, en travaillant avec les entités de la nature, ils se sont donné des jardins beaucoup plus prospères que le reste de la région. Leurs plantes étaient plus belles, leurs légumes, leurs fruits étaient plus gros. Ça poussait vite, ça poussait plus longtemps en termes d'esthétisme. Alors, finalement, le travail avec les entités leur a été très... Est-ce qu'on sait ce que Belzébuth pensait de ça? Il était-tu d'accord? Il y a toujours une opinion sur les humains? Ben, Belzébuth n'a pas changé d'idée. L'humain n'a pas changé sur la planète depuis ce temps-là. Mm-hmm. Mais, cette espèce de petite goutte dans l'océan des problèmes entre l'être humain, finalement, et le reste de la nature. Belzébuth, c'est pas une entité de la nature. Belzébuth qu'il a rencontré, lui, c'est une entité de la nature. Belzébuth comme tel, c'est un phénomène, c'est une entité qui est supposée représenter les forces de la planète, les forces de la Terre. Et dans l'antique antiquité, donc il y a bien longtemps, mais dans des parallèles, donc dans l'antiquité de l'époque arthurienne, ça veut dire qu'on a notre humanité à nous et subitement il y a une fourche, il y a une jonction là-dedans et il y a une partie de l'histoire de roi Arthur ou de Merlin ou de d'autres qui est venue se jumeler à notre histoire à nous. Alors, dans cette fourche-là, Belzébuth était le dragon. Et dans les mélanges, j'ai eu quelques mélanges de fourches à travers l'histoire de l'humanité avec certains mondes parallèles, des chronotopes différents. Les mélanges ont engendré des traces dans l'astral de la mémoire où on mélange finalement les forces belzébuthiennes avec les forces melchisédiennes, avec les forces luciférienne, avec les forces sataniennes, avec les forces sataniques. Bon, Belzébuth, c'est... Dans les religions, au niveau de l'Égypte, on le reconnaît aussi. Il ressemble souvent à un bélier, il ressemble souvent à une chèvre. Bon, alors on a des personnages. Enfin, on le retrouve un peu à travers les légendes sumériennes, égyptiennes. Puis on a toute une chef, histoire comme ça. Mais Belzébuth est allé rencontrer le chef de Fenorn. Puis est-ce que lui, ce monsieur-là, est-ce qu'il avait des prédispositions à voir les entités de la nature? Bon, prédisposition, il faut s'entendre. À un moment donné, Belzébuth, il faut qu'il se présente parce qu'il a besoin de se faire voir. Alors, il s'est fait voir par un personnage. Il a dû en épeurer un paquet avant. Et puis, finalement, celui-là était juste assez, juste prêt, quelque part en dedans, pour pouvoir trouver ça beau. C'est parce que Belzébuth, c'est pas un personnage qui est beau. C'est plutôt un personnage qui est laid, selon les visions humaines, évidemment. Prédisposition, oui et non. Un peu comme quelqu'un qui voit des fantômes à un moment donné ou qui entend des fantômes, des fantômes de tapageurs. Prédisposition, ça dépend. S'il a mangé du beurre arraché d'avant, peut-être. D'autres, parce qu'ils sont fatigués. D'autres, c'est parce qu'ils sont excités. D'autres, parce qu'ils sont heureux. Ça veut dire que n'importe qui peut voir un entité. Oui, c'est ça. N'importe qui, même toi, vous pourriez voir des entités. C'est évident que si on veut les voir quand on veut les voir, ben là, ça demande une connaissance de l'entité de nature. Ça demande une connaissance un peu de ce que c'est que voir, percevoir ou cérébriser, voir avec le cerveau. Ça demande un peu d'entraînement. Quand je parle d'un peu, ça varie entre 5 minutes, aller à 50 heures, dépendamment des... Il y en a qui sont vraiment... ils voient, mais comme c'est pas ça qu'ils pensent qu'il faut qu'ils voient, ben ils le voient pas. Ils le voient pas, c'est ça. Alors ça, c'est ça. Mais la majorité des gens arrivent à voir des entités de la nature en dedans d'une demi-heure, une heure, avec un petit peu d'explication. Est-ce que c'est pour cette raison-là que les enfants voient plus facilement les entités? Parce qu'ils sont moins bloqués psychologiquement, ils acceptent plus ce qu'ils voient quand ils voient. Oui, quand on va, par exemple, dans la forêt avec des jeunes et qu'on leur demande, bon, mais regarde, c'est bourré d'entités, là, bon, c'est quoi une entité? Puis il y en a d'autres qui me disent, ah, ben oui, ça, je le sais. Ou s'il y en a un là-bas ici, on dirait un singe, je me regarde, ah, il vient disparaître derrière l'arbre. Bon, il y en a qui c'est immédiat. Il y en a d'autres qui nous demandent c'est quoi. Quand on leur explique un peu, ah, ben ça, OK, c'est correct. Ils voyaient, c'est un peu comme, ici dans la salle, on peut voir des rideaux. Mais c'est quoi des rideaux? C'est ça, les rideaux. Ah, OK. Mais tout le monde, ils voyaient les rideaux déjà. Sauf que, alors souvent, les très jeunes vont nous demander ce que c'est. C'est quoi les mots? Ces mots-là désignent quoi? Quand on leur montre, ça va, souvent, j'étais campé avec des jeunes de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Dans la majorité, non, même pas 100% des cas, tous ces jeunes-là voyaient facilement les entités, au grand désarroi des autres adultes. Et on a plusieurs adultes qui les voient facilement. Les enfants, normalement, ont des contacts assez fréquents avec les entités de la nature pour se désennuyer. Mais il faut comprendre aussi que chaque corps biologique ici a une entité attachée à lui. Donc, on est le double. Sans compter ce qui flotte, puis sans compter ce qui traîne, mais on a moins le double. Mais c'est ça qu'on appelle l'ange gardien? C'est ça, c'est... Qu'est-ce que c'est? Ben, l'ange gardien, oui. La religion a sorti ce terme-là, et progressivement, elle l'a étendu au monde astral, donc au monde de l'âme, au monde de la psychologie. Mais effectivement, c'est ce qui te suit régulièrement et qui est là, qui te tourne lentement autour, puis qui est bon. Mais quand tu dis qu'il l'a étendu à l'astral et puis à l'âme, est-ce que les entités font partie de l'astral ou du vital? Les entités font partie du vital, donc du plan éthérique planétaire. Ça fait partie de l'énergie vitale, ça fait partie de la vie. Pour apparaître, ça a besoin soit que tu sois capable, toi, d'entrer, de voir avec ton cerveau plutôt qu'avec tes yeux, ou bien ça leur a besoin de prendre de l'énergie vitale à l'extérieur, donc de ton corps, etc., pour se créer lentement une forme d'ectoplasme. Ça va apparaître comme un fantôme. Ce qui est assez rare. Habituellement, les humains qui vont les voir entrent en vision télépathique avec, c'est-à-dire que l'entité de la nature, tu le vois parce que tu le perçois cérébralement. Il y a donc un contact télépathique qui va se faire et tu le vois. Et donc, ça ne demande pas beaucoup, ça ne demande pas d'énergie. Mais pour ça, pour cérébriser, y a-t-il un entraînement, quelqu'un qui n'est pas capable de cérébriser? Là, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, cérébriser, c'est pas tellement compliqué. Cérébriser, si je l'explique comme cela, évidemment, ceux qui sont capables déjà vont dire « Ah, OK, c'est ça ». Ceux qui sont capables facilement vont dire « Ah, bon, tiens, je vais l'apprendre ». Puis ceux qui sont un petit peu intellectuels ou qui sont un petit peu hésitants vont trouver que ça ne marche pas. Parce que c'est une explication banale, je préfère le dire, là, parce que si on l'enseigne à du monde, on prend une demi-heure, puis on leur montre, on leur fait découvrir leur énergie vitale avant, leur corps vital, puis progressivement, on les amène à voir leur propre énergie vitale. Pour le voir, c'est de la cérébrisation, puis par la suite, tu leur demandes de voir l'énergie vitale autour des objets, des arbres, etc. Et puis finalement, quand les gens sont capables de voir ça, ben, tu leur demandes, ben, regarde, tu vois l'arbre qui est là, regarde à côté ce qu'il y a. La personne, ben, souvent, voit, ben, je vois, ben, tu vois-tu que ça a une corne sur la tête? Ben oui, justement. Et il faut leur dire un petit peu, parce qu'au départ, leur ego refuse. Mm-hmm. Bon, je le vois, mais je ne suis pas pour dire que je vois ça, parce que ça a tué la niaise. Pour les intéresser en arrière, il y a au moins une chaise en avant. Et alors, ça va se ça m'étonnerait que la chaise se rende jusqu'en arrière, mais vous pourriez déambuler finalement. Alors donc, la cérébrisation, c'est ça finalement, c'est la perception. Je regarde la salle ici, je vois premièrement des auras. Bon, je vois des auras, je vois un paquet de phénomènes qui se passent. Puis, enfin, la cérébrisation, évidemment, c'est la personne qui devient voyant cérébrise, donc voit par son cerveau. Ça veut dire que les yeux fermés, elle voit quand même. Et ça, c'est important quand on fait un autre genre de travail, qui est un travail de vision de spectrochrome, d'image temporelle. Bien, à un moment donné, il faut être capable de voir autrement qu'avec le cerveau. Il faut être capable de voir avec les yeux. Alors, la pratique est finalement banale. On regarde les objets, on regarde les choses, vous me regardez moi. Puis lentement, vous allez... on place son œil, par exemple, je place mon œil sur toi, je te regarde, je fais mon focus sur ton nez. Et puis, progressivement, je vais juste passer mes yeux à côté de François. mais je ne ferai pas mon focus sur le mur en arrière. Parce que là, je ne pourrais pas percevoir le tout petit halo, la petite fumée qui traîne autour de lui. Mm-hmm. Donc, je fais mon focus sur lui, je tasse légèrement. Automatiquement, j'ai l'impression d'halo. Oui, c'est ça. Pour voir là. Exactement comme quand on conduit une automobile. Si on veut voir le pare-brise, ben c'est pas l'arbre là-bas qu'il faut regarder. Il faut qu'on fasse un focus. Là, on va voir les pare-brise. Après ça, on voit les taches. Après ça, on a de la misère à s'en débarrasser. Bon. Question d'ego. Alors, bon, je vois. Et progressivement, eh bien, on doit laisser la capacité du cerveau d'interpréter ce qui est cérébrisé. Ça, c'est banal, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour ceux qui ne le savent pas, vos yeux sont constitués de cellules. Et il y a des bâtonnets, il y a un paquet de petites cellules à l'intérieur de l'œil, et chaque petite cellule ramasse une partie de la lumière. Certaines vont réagir à une couleur, d'autres à une autre, d'autres à une autre. Et notre vision est totalement en petits blocs, morcelés. Et le cerveau, lui, a comme travail de peaufiner tout ça au complet, de lisser ça pour recréer une image. Sans compter qu'on est carrément à l'envers. Bon. Alors, le cerveau a donc un travail à faire pour être capable de créer des teintes, des couleurs, et en même temps pour lisser ça. En plus, le cerveau, lui, doit maintenir en mémoire parce que l'œil voit, cesse de voir, voit, cesse de voir, voit, cesse de voir. C'est ce qui nous permet d'ailleurs d'assister à des projections de films. Parce qu'il y a un rythme oculaire et le cerveau, lui, maintient l'image pendant ce temps-là. D'ailleurs, si on ferme les yeux, on voit encore, ça s'atténue. Alors, le cerveau, on autorise notre cerveau à interpréter l'image. Maintenant, quand on cérébrise, c'est la même chose, on voit avec le cerveau, non pas avec l'œil. Donc, on peut voir plus rapidement, plus précisément. Sauf qu'il faut aussi que notre ego autorise, finalement, le cerveau à interpréter la cérébrisation, donc la vision cérébrale. Et il faut aussi que l'ego accepte l'interprétation. Et ça, pour l'être humain, l'interprétation cérébrale d'une cérébrisation, d'une perception par le cerveau, c'est très, très, très près de l'imagination. Donc, pour la pratique, on devra dire aux gens, bien, laissez aller votre imagination. Ça veut dire, moi, je regarde les gens ici, je vois des choses, je vois plein de choses qui se promènent, mais je ne les vois pas oculairement, je ne les vois pas aussi précisément que ces choses-là. Mais je les vois. Sauf que je les vois par un autre sens, et mon cerveau, lui, a le travail de placer les deux sens puis de créer un paysage. Donc, je vois du monde par mon oculaire, et ça, je suis tellement habitué que ça a une densité qui est propre et qui est rassurante pour mon ego, qui se dit, ça, c'est la réalité. Et en même temps, mon cerveau, lui, perçoit des choses qui flottent, qui se promènent, perçoit, bon, plein de phénomènes. Et mon ego, lui, normalement, un ego de gens qui n'est pas habitué, va rejeter, totalement filtrer cette civilisation. Et de ce fait, l'humain ne voit plus. Alors que si on veut s'entraîner à voir, au départ, il faut que ça se voit n'importe quoi. L'imaginaire, la problématique, c'est qu'on voit dans l'astral, donc on voit dans la pensée, on voit dans les mémoires planétaires. En plus, parce qu'on se fait une cérébrisation, on voit dans la réalité du monde vital actuel. Si on laisse aller l'imaginaire, il y aura donc un mélange des deux. Alors c'est évident qu'il y a des choses que j'aurais l'impression de voir une grosse sphère ici, mais ça, il n'y a pas de sphère ici. Ça, c'est dans l'imagination. Et donc, à la longue, on finit par être capable de discerner. Il faut simplement s'autoriser à voir. Puis à un moment donné, on se rend compte que l'entité que je vois là est beaucoup plus dense que la sphère qui est là. Si je ferme les yeux, eh bien, je ne vois plus l'entité. Je vois encore la sphère. Donc, ce n'était pas une cérébrisation puissante. La sphère était probablement plus du monde astral. Elle existe quelque part, mais elle n'existe pas ici. Mais quand c'est moins puissant, c'est plus du monde astral. Dépendamment encore des individus. La personne, un artiste, par exemple, va voir plus puissamment le monde astral. Lui, il ferme les yeux, puis il voit. Il voit. C'est un peintre, un cinéaste. Un écrivain va fermer ses yeux, et là, il va totalement être en train de cheminer dans son histoire, alors que ça, c'est dans le monde astral. Ça peut être de l'utopisation, donc la personne se rappelle de choses du futur. Ça peut être un voyage à travers des mondes parallèles. Maintenant, ce qui peut arriver aussi, si on regarde un musicien, le musicien, lui, il ferme ses yeux et il entend clairement. Donc, ça reste dans le monde astral, c'est pas dans le monde vital. La cérébrisation, c'est un peu la même chose. Moi, je vois avec mes yeux, j'entends avec mes oreilles. Mais mon cerveau est tellement habitué à ces deux sens que je suis capable de faire une différenciation complète entre ce que je vois et ce que j'entends. Là, on va dire, oui, mais c'est normal, c'est tellement différent. Un instant, la chauve-souris, elle entend. Et ce qu'elle entend lui permet d'avoir une image. Donc, elle sait qu'un poteau là, elle a une image, elle sait qu'un insecte là, elle a une image par le biais du son de ses oreilles. Le cerveau va interpréter, comme on a avec les sonores ou les radars, le cerveau de la chauve-souris va interpréter ce qu'elle entend à un certain niveau de fréquence en image cérébrale. Et l'image cérébrale n'est pas l'image oculaire que l'on voit là. C'est une image très, très différente. Mais la chauve-souris est tellement habituée que pour elle, c'est une image. Elle passe, elle se faufile, elle vient, elle atterrit, elle voit. Alors, quand on cérébrise, c'est la même chose. L'image que l'on voit, l'image des entités, n'est pas au départ une image équivalente à celle qu'on a là. Et c'est ce qui va faire en sorte que la majorité des gens qui ne sont pas au courant de ces phénomènes-là vont rejeter ça, l'imagination. Et si la chauve-souris rejetait ce type d'imagination, crèverait de faim, puis elle aurait venu aplatie. Il y en a déjà, vois-tu, qui l'ont pas mal, là. OK, bon, là, c'est plusieurs choses que tu parles. Tu dis qu'on peut cérébriser puis voir différentes choses. Est-ce qu'il y a une qualité différente si on voit dans l'astral ou dans le vital? Ben, c'est-à-dire que si on voit dans l'astral, on voit dans un monde beaucoup plus vaste que dans le vital. Le vital, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie de la vie. C'est ce qui permet une plante de pousser. C'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on place un fruit vert sur une table, ben, après une semaine, deux semaines, il continue à mûrir et mourir. Alors, son même va sortir sur une table, ben, il est mort, puis il n'y a pas de vie dedans, puis la mémoire elle s'en va, puis le steak est pourri. Bon. L'énergie vitale, c'est quelque chose qui fait partie de notre homochrome, c'est-à-dire qui fait partie de notre réalité actuelle. Alors, soit dit en passant, une réalité, c'est toujours quelque chose d'individuel. Il n'y a pas de réalité collective. La réalité collective, ça s'appelle de l'illusion. Alors, chacun voit quelque chose, c'est la réalité. Et si on essaie de dire, oui, mais as-tu vu ce que j'ai vu? Là, on veut créer un monde d'illusion qui est collectiviste, puis qui essaie de juxtaposer deux réalités. Et là, on devra faire un compromis. C'est, ça crée un monde d'illusion. Attends, ça veut dire que tout le monde dans la salle ici voit pas, nous voit pas, mettons pareil. Non, absolument. C'est absolument évident. D'ailleurs, si chacun avait à nous décrire ou à compter la conférence après, chacun va y aller avec des choses différentes. Bon. Et les gens, parce qu'ils sont télépathiquement collectifs, vont essayer de s'ajuster. Puis ils jasent ensemble, ben, ils vont finir. Par se mettre d'accord. Ou par s'obstiner carrément. Pour une entité de la nature, là, étant donné que c'est vital et non pas astral. Ça veut dire que si on regarde une entité de la nature, on devrait percevoir toutes les deux la même chose? Non, parce que je vais percevoir les entités dans mon homochrome, donc dans ma réalité, dans mon monde à moi, et toi, tu vas percevoir les entités dans ton homochrome, et parce qu'on est télépathe, on va créer une juxtaposition de façon à avoir l'idée qu'on a vu la même chose. L'humain ne voit jamais la chose, l'humain n'entend jamais la même chose, et l'humain ne vit jamais la même chose, ce qui crée tous les problèmes de relations humaines, parce qu'on est là, on est convaincu que l'autre est épais, que l'autre n'a pas de mémoire, que l'autre n'a rien vu, que l'autre ne comprend pas, mais en réalité, on n'est pas tout à fait dans les mondes pareils. Mais ça, c'est compliqué, c'est autre chose. Bon. Mais si on regarde, on va parler, disons, on va dire qu'on est dans le même monde. Le monde astral, c'est un monde qui contient la mémoire de tout ce qui est dans le passé, la mémoire de tout ce qui est dans le futur et la mémoire du présent. Le monde vital, c'est quelque chose qui contient la suite, la réalité. Alors, quand je regarde dans le monde vital, les entités que je vois sont des entités qui sont présentes en même temps que mon œil voit les corps physiques. Donc, il y a au moins une synchronicité. Alors, si je vois un éléphant se promener, je vois aussi une entité qui va avec, c'est correct. Ils sont synchrones. Par contre, dans le monde astral, ce qui va arriver, c'est que je vais voir une personne, puis je peux voir l'entité vitale. Puis si je vois dans le monde astral, je peux voir toutes les entités vitales du passé qui ont été assis là à un moment donné, ou toutes celles qui vont y être. Et c'est la problématique de la voyance, d'ailleurs, c'est qu'on a accès à trop d'informations sans chronologie. Cette information-là n'est pas chronologique. C'est-à-dire que je vois quelque chose, oui, d'accord, merveilleux, quelle date? Oh, je ne sais pas. D'ailleurs, tous les prophètes ont prophétisé, mais les dates, on ne sait même pas si c'est dans le passé, on ne sait même pas si c'est dans le futur, et surtout, on ne sait même pas si c'est dans cette lignée chronotopique, c'est-à-dire on ne sait même pas si c'est pour notre monde, notre destinée. Un exemple de ça, c'est dans l'Apocalypse, dans la Bible, il y a plein de temps, plein de moments dans l'histoire qui ont ressemblé à l'Apocalypse, mais... Oui, surtout qu'Apocalypse veut dire révélation des choses passées. Bon, Ils n'ont pas plus de chance, hein? Ça, c'est clair. Avec ça, tu as toujours raison. Pour les entités de la nature, tu dis qu'il y a une entité, à chaque corps biologique, il y a une entité de la nature. Oui. Parce que moi, je me souviens, à Montebello, ça fait je ne sais pas combien d'années, là, je te suivais, et c'était la nuit, puis j'étais à peu près à 2 pieds de toi. Puis tout à coup, tu as mesuré 8 pieds. Puis, moi, je suis voyant. C'est une grosse illusion, ça. Non, Puis là, c'était drôle parce que tu t'es retourné, parce que... Tu m'as parlé, puis ça fait vraiment comme puis t'es revenu là à ta grandeur. Puis là, mais ça a duré tellement peu longtemps que c'était facile de l'oublier, c'était facile de dire que c'était pas ça, c'était facile de dire que j'allais imaginer. La problématique de l'ego, elle est de deux ordres. On parlait juste de la problématique au départ, au niveau de l'acceptation des choses. Il faut absolument s'ouvrir à autre chose que ce que nos sens physiques nous amènent, parce que vous pensez, les sens physiques ne le voient pas. Alors prouvez-moi que la pensée existe. Impossible! Quelqu'un qui ne pense pas, il ne peut pas le croire. L'amour, l'affection, la solitude, l'ennui, l'imagination, il y a tellement de choses que si on se base uniquement sur la matière ou sur les sens physiques, il faut oublier. Bon, c'est évident que tout le monde y croit ça parce que les gens en ont. Mais le moindre moment que vous avez quelque chose qu'un autre n'a pas, l'autre ne vous croit plus. Il faut ouvrir, il faut s'ouvrir au reste de ce qui existe. Et pour cela, il faut se laisser, se risquer à accepter n'importe quoi. Mais accepter n'importe quoi, pas dans le sens que c'est de la réalité, mais dans le sens que c'est drôle, je vois ceci. Alors, la problématique au niveau de la vision de phénomènes occultes ou encore dans cette densité de la nature ou encore du monde astral ou de d'autres chronotopes, etc., la problématique, elle est de deux ordres. Vous refusez obstinément. Donc, ça vous limite énormément, puis un jour, vous allez mourir de toute façon. Vous êtes venu au monde de toute façon, vous restez totalement en dehors. Vous restez de l'explicable, vous êtes dans l'inexplicable, puis ça nous convient. Si on s'ouvre au reste, ben nécessairement, on va se poser de sérieuses questions. Ah, c'est un problème, ça. Maintenant, l'intelligence se nourrit que des questions. L'intelligence ne se nourrit jamais de réponses. L'ego se nourrit que de réponses et ne se nourrit jamais de questions. L'ego veut la sécurité. L'intelligence, c'est ce qui amène à lui-même la possibilité d'ouvrir, de s'expandre, d'aller fouiller, de se brancher, de se connecter. Mais nécessairement, tant que tu n'auras pas rejoint toutes les sphères, ben, tu resteras une personne nébuleuse, mais comme ceux d'ailleurs qui restent fermés, mais tu resteras aussi une personne qui va établir de nouveaux concepts, de nouvelles théories, qui permettront une structuration de la pensée qui va te permettre de plus en plus d'englober ces mécaniques-là et faire en sorte que tu vas de l'évolution arriver à la conscientisation et de la conscientisation lentement à l'intelligenciation. Maintenant, ce qu'il faut comprendre donc, c'est que les individus qui vont refuser obstinément ce qu'ils vont voir, comme toi tu vois telle chose, tu vas dire, voyons donc, brrr, qu'est-ce qui se passe là? Bon, je ne boirai plus de l'eau de la source. C'est OK, c'est un phénomène. Ou encore, l'autre problématique, ça va être, waouh, hey, mais c'est un dieu, as-tu vu son aura? Ça, c'est l'autre problématique. Alors qu'on devrait uniquement trouver intéressant de voir ça. C'est tout. Exactement comme je me promène dans la forêt, je rencontre un animal que je n'ai jamais vu, je trouve ça fascinant. Mais c'est fascinant, c'est intéressant. Trois oreilles, c'est pas mal, c'est intéressant. Bon, et c'est tout. Bon, et je peux dire peut-être qu'il y a une mutation, peut-être que c'est un problème génétique, peut-être que c'est un nouveau type d'animaux. La journée que j'ai rencontré, il m'a donné la première soucoupe volante que j'ai vue. Je trouve ça fascinant, c'est tout. C'est quoi? C'est un ovni. Et mes amis m'ont obstiné que c'était pas un ovni. Alors j'aurais dit, c'est quoi? Ils m'ont dit, on le sait pas. Mais c'est ça un ovni. Un objet volant non identifié. J'ai vu un ovni. Je ne peux pas vous dire c'est un avion, je ne peux pas vous dire c'est une comète, je ne peux pas vous dire c'est Uranus qui me suivait, je ne peux pas vous dire que c'est une soucoupe volante, je vous dis c'est un ovni. Mais progressivement, ovni est devenu une certitude de soucoupe volante. Puis progressivement, ovni, c'est tellement qu'éteint, maintenant c'est des ufologistes. Ce n'est pas des ufologues, ce n'est pas des ovniologues. On peut-tu faire un parallèle entre ça? Par exemple, les ovnis sont devenus des soucoupes volantes. C'est si on voit une entité de la nature, il y en a qui vont voir avec un chapeau, un béret, des choses comme ça. Donc, ce qu'on dit un gnome, un farfadet, ce serait une description d'une personne qui l'a vu, puis c'est d'après sa vision, sa réalité à elle, puis c'est pas nécessairement ça qu'on va voir. Mais ça va être régulièrement comme ça, et ça complexifie un peu le reste de la conférence, mais on va contourner un peu. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit se contenter de voir, d'observer, d'entendre. Il vous arrive plein de choses dans votre vie, puis si vous fouillez un peu de votre jeunesse, de votre naissance, aller jusqu'à maintenant, vous en êtes arrivé tout un lot. Plusieurs acceptent ces choses-là, ça fait partie de leur monde, de leur réalité. Ils vont dire, ben, que quelqu'un va arriver à un moment donné, il va dire, hey, c'est drôle, il me semble que j'ai vu un visage dans ma fenêtre, et à un moment donné, c'était blanc, bleuté, puis ça flottait. L'autre va dire, ah, c'est probablement un fantôme. Et il dit, ah, c'est probablement un fantôme. Ben oui, c'est un fantôme. T'as-tu déjà vu? Ça m'est déjà arrivé. T'as-tu peur? Ben, non, il m'a pas attaqué, il m'a pas. Tu as peur? As-tu trippé? As-tu ci? As-tu ça? Ah, c'était tellement beau, je suis sûr, c'était un ange. C'est tout ça, ça fait partie des problèmes de l'humain. Et ça va faire en sorte que les très, très, très spiritualistes, ceux qui ont trop d'émotivité, vont se faire embarquer dans des aventures. Et ça vient convaincre ceux qui veulent rejeter ce monde-là, ça vient les convaincre que ce monde-là n'existe pas, puis il y a juste les flyers, finalement, c'est ceux qui ont de la difficulté à se maintenir sur Terre.